l'orage est proche et la foudre guette. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. I feel so bad, I gotta hold my shoes.

Merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez depuis 12 ans maintenant, tous les vendredis soirs, c'est l'émission Mavrika à partir de 19h. Hein, nouveaux horaires depuis quelques temps déjà. Hein. Donc, habituellement, nous avons des invités ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, je peux vous rappeler un petit peu tous ceux qui sont passés juste avant. Alors, on va remonter jusqu'au mois de septembre. On a reçu... alors, mois de septembre, tout à l'heure, je l'ai vu. Oui, c'était Yavanna qui avait commencé donc cette année scolaire. Quelques temps après, c'était les Celtic Reich qui étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous avons reçu dans l'émission numéro 519, c'était encore juste après, c'était Angéline Anonnier, donc la fameuse choriste de Johnny Hallyday, Michel Sardou, Bernard Lavilliers, entre autres. Nous avons reçu dans l'émission numéro 521 le groupe Duc. Dans l'émission numéro 524, c'était le tour de Dérapade qui était venu nous parler de leur sortie de leur album. L'émission numéro 525, c'était Corrosive System. Voilà, je me perds un petit peu dans tous les invités. Dans l'émission numéro 526, c'était le vendredi 4 octobre. Youth était revenu nous parler un petit peu de l'avancement de sa carrière, puisqu'il était déjà venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Dans l'émission numéro 527, c'était le vendredi 11 novembre, voilà. C'était le tour des Soum Camille, voilà, les Soum Camille qui étaient venus il y a quelques temps, ça faisait un petit moment, donc je les ai invités à nouveau, et puis ils sont venus, ils nous avaient fait 14 lives hein, dans l'émission Mavrika, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Le vendredi 8 novembre, 7, non c'était 18, il me semble, oui, 18 novembre, le groupe La Jarry qui était venu ici, vous le savez, ils viennent régulièrement avec une petite interruption quand même lors de la séquence Covid. Hein. Donc là, ils reviennent. Et en tout cas, on était contents de les recevoir. Et habituellement, ils viennent dans le mois de décembre. Et cette fois-ci, ils étaient venus pour le mois de novembre. Ils étaient pressés de venir. Hein. Donc, en tout cas, ils seront en concert le 1er avril. Souvenez-vous-en. Ça sera à l'Alliage à Olivet. Dans l'émission numéro 529, nous avons reçu Jesus Whiskey. Et la semaine dernière, dans l'émission numéro 351, nous avons reçu le groupe Narcos, une découverte, donc un groupe qui est basé à Châteaudun, mais pas que, il y a des membres un petit peu partout. Et en tout cas, on avait découvert leur travail. Et justement, là, on va l'écouter un morceau juste après. Depuis le début de l'émission, on a écouté Ocre avec Part of the Problem. Full System, une nouveauté avec L'Heure Bleue. Les Min Circle avec Good News. Esprit d'Escalier avec Synesthesia. Et on va écouter juste après le groupe Narcos avec Erreur de Casting. Et juste après les No More Kids avec Man. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel et on est ensemble jusqu'à 22h. arrêté le pic. Il me dit, la croissance est une baguette magique. Écarquiller mes yeux qui chavirent à l'oblique. Costard de réussite, je ne m'assume plus et je vire au cul.

Un pas après l'autre, petit à petit, contrôler mes envies. Je fais pas partie de ta famille, j'ai cette chemise. Dans le pauvre monde où je vis, c'est souvent la crise. Champagne à Saint-Barth, moi les galères m'écrasent. Sur ton île Lupanar où tu bois des dollars avec des putes des couches tard. Je fais pas partie de ta famille, j'ai cette cocaïne. Salut, c'est David, on est La Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. We'll be right back. Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 532. Voilà, je sais plus où on est exactement. Donc habituellement, nous recevons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais juste pour la fin de l'année, je pense qu'on va rester comme ça. Donc à moins que vous ayez envie de venir dans l'émission Mavrika, hein, c'est très simple. Si vous voulez, vous avez un projet musical, vous avez envie de venir dans l'émission musicale de Mavrika, on va dire ça comme ça. C'est très simple, vous pouvez nous contacter sur le Facebook, hein, c'est la manière la plus simple. Donc vous cherchez Mavrika Albino et vous demandez à venir dans l'émission, et puis de toute façon je réponds, il n'y a aucun souci. Et après, deuxième solution, c'est aussi d'écrire à l'adresse mail mavrika@live.fr, mavrika@live.fr, vous laissez vos coordonnées, tout ça, et puis je vous contacte et on organise une petite soirée un vendredi soir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour parler de votre projet, il n'y a pas de souci. Donc depuis tout à l'heure, on a écouté pas mal de bonne musique, hein, parce que effectivement, quand il n'y a pas d'invité, c'est priorité à la musique et priorité aux gens qui sont déjà venus dans l'émission Mavrika ou qui vont venir, ou alors des découvertes, voilà, en espérant qu'un jour ils viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté tout à l'heure ONPSG, voilà, ça n'a rien à voir avec le football. C'était On n'est pas sorti de la grange, avec un morceau qui s'appelle Dans nos campagnes. On a écouté aussi Nostronaute avec Steel Cloud. On a écouté tout à l'heure, je vous l'ai présenté, c'était Narcos avec Erreur de casting. Les No More Kids avec Man. La nouvelle chanson de Sika avec Enjoy. Et on a écouté aussi les Uncle Biker, Never Come Back, Turn Off, Les Valeurs de l'Enfance, Dérapade, Showbiz, La Charie avec Évolution, Le Rock Énervé de Corrosive System avec Extinction, et à l'instant, c'était la musique électronique de Roraima avec Monolith. On continue avec Pierre Saya, La Tête en Bas, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. La tête en bas. loisir qui conduit, oui, mais pas où tu vas. Gentil obligueux apprenti, adieu le climat. La terre prend cher, même le Nord perd son pôle emploi. Je mets la tête. Pierre Saïa, donc une découverte de la semaine dernière, peut-être un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein, on a des contacts, donc peut-être viendra-t-il nous présenter son projet. En attendant, bah, je vais vous dire quelles sont les personnes qui vont venir très bientôt. Au mois de janvier, il y aura donc le 6 janvier, Alex Le Bail commencera l'année avec nous. Le 20 janvier, il y aura 2 gigs, parce que le 13, bah, je serai pas là, hein, donc il y aura pas d'émission le 13 janvier. Le 20, donc 2 gigs, le 27, Elsia, qu'on écoutera tout à l'heure, hein, Elsia, qui viendra nous présenter voilà, ses nouveaux projets, hein, parce qu'elle est déjà venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on la reçoit avec beaucoup de plaisir. C'est une artiste, voilà, elle est peintre, elle est chanteuse, elle sait tout faire, quoi. Le vendredi 3 février, on est déjà au mois de février, hein, le temps passe vite, on est déjà en 2023, et on recevra ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, là je vais être gâté, il y aura 6 filles dans les studios, ce seront les brunettes qui viendront donc présenter leur projet, puisqu'ils sont pas encore venus dans l'émission Marika, même si moi j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois sur scène, et franchement ça envoie bien du rock and roll. Le 24 février, ça sera Anaïs from Paris qu'on écoutera tout à l'heure aussi, un petit morceau. Et au mois de mars, il y aura la découverte du groupe Ombrage le vendredi 3 mars. Donc les autres jours sont encore disponibles, vous pouvez me contacter et puis venir un jour nous présenter dans les studios de Radio Arc-en-Ciel vos projets. Alors ceux-là, ils sont déjà venus, c'est Drive to Amnesia avec Away. Awake, I don't want to feel sorry anymore. Thank you. to Amnesia avec Away, et je vous ai parlé tout à l'heure de Elsia avec le titre No Games. C'est tout de suite après. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. Elsia, elle sera bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. Et le morceau, c'était The Game. On continue avec Léo, avec Sunny Days. chickens at dawn. With a cup of tea, poetry and a good breakfast. The smoky smell of autumn mornings. Let me see the wide world. Imagination. I hope of other stations. Really? station. I hope of other station. Avec les belles voix féminines après Elsia, après Léo, c'est Angéline Anonier avec une très belle chanson qui s'appelle Shanghai. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Eureka et on continue à écouter de la très bonne musique avec des artistes qui sont venus dans nos studios, qui vont venir, ou alors des découvertes, voilà, qu'on a envie de partager avec vous. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 22h. On se tire, tracer la route, partir, ne plus jamais mentir, arrêter de courir. On ira voir l'océan, et si au-delà il y a le néant sur nos peaux, la caresse du vent, tous les deux être vivants. Allez, viens, on se tire, bercé par le son de nos rires, le silence, nos soupirs, aimer la vie vieillir. Respirer d'un même cœur, s'aimer. Allez, viens, on se tire, hurler les plus beaux jurons et ensemble dansons, oublier les bas-fonds. Allez, viens, on se tire. Demain on va mourir, ne plus se cacher, ne plus fuir, plus rien pour nous détruire. S'aimer d'un même regard, s'admirer d'un même geste, s'enlacer. Oh, allez, viens, on se tire, tracer la route, partir. Oh, allez, viens, on se tire, ne plus jamais. Allez, viens, on se tire, tracer la route, partir. Allez, viens, on se tire, ne plus jamais mentir. crazy, hang on down. Let me step in. If I'm the path, I'm the one up on you. a écouté Max de Giovanni avec Allez Viens. Si vous n'avez pas encore eu le clip vidéo, vous cherchez sur le site de clip vidéo, hein, on va dire ça comme ça, sur YouTube. Allez, tout simplement, vous cherchez Allez Viens et vous verrez, il y a une petite surprise, il y a une petite apparition dans ce clip de Albino Mavrika, de l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, juste après, on a écouté Jekyll Wood avec The Doll, la poupée. J'ai She Dogs avec Take It. À l'instant, c'est Anaïs from Paris avec White Sneakers. Donc, Anaïs from Paris sera avec nous le 24 février 2023 dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et juste après, on écoute le groupe Prisma avec Rock Now. We'll be right back. Rock now! Emotion Under the Searchlight. Juste avant, c'était Jesus Whiskey avec un enregistrement que personne n'a, puisque ça a été enregistré dans l'émission Maverick numéro 529. C'était au mois de novembre, je peux retrouver, c'était le 25 novembre, plus exactement. Le morceau s'appelle Run Through the Jungle. Juste avant, c'était Prisma Rock Now, et maintenant, c'est Jack F avec Bienvenue au Club. Hein. Les pros du top menu. traverse comme des couteaux, ce qui déborde de chagrin, bercé au rythme des sanglots. Les ivres ta voix noyer leur peine pour s'endormir, le cœur chaud. Ils vous glacent le sang et l'âme, bien plus puissant que les mots, les yeux rouges, les yeux. Les yeux rouges, les yeux. On les a vus, les nostalgiques qui criaient putain hier c'est loin. Tout comme ceux des anarchistes assortis au drapeau carmin. Les passionnés, les pathétiques qui bien souvent ne font qu'un. Même le plus futile d'entre eux peut vous hanter jusqu'au matin. Les yeux rouges, les yeux. Les yeux rouges, les yeux. Rouge d'une violence anodine, à s'enrouiller la rétine. Pas de faux semblants dans cela, quand il vous happe, vous appelle. La vague à l'âme presque indécent, niche au fond de la pupille, vous fiche en un claquement de cils. Ceux des putains épuisés au petit matin, ceux de là-bas, ceux des gamins tiraillés par la faim. Les fanatiques fous furieux, rouge folie, rouge feu. On n'oublie pas les écorchés, les gueules cassées par le temps, qui vous attrapent par les tripes, vous embarquent dans leur tournant. C'est pas demain pour eux le printemps. Les yeux rouges, les yeux, les yeux rouges, les yeux. On les condamne, les dictateurs remplis du sang qu'ils font couler, et ceux de leurs bourreaux qui tuent pour l'ordre et la sécurité. Tout un peuple qui rêve encore de liberté. Se souvient des familiers quelquefois contagieux, et ceux des premières amours qui nous rappellent comme on est vieux. Pour peu de rire ou bien de larmes, ils nous embarquent au fond de les yeux. un copain. Two friends, so two more than a funny note. Kill the Radio Star, voilà une reprise faite par nos amis Yeti, et puis c'est pas vrai du tout, puisque les stars de la radio sont toujours là sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Eureka, on est ensemble jusqu'à 22h. Juste avant, on a écouté les Noitols avec My Heaven, on a écouté aussi Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi, le groupe Jartel avec Les Yeux Rouges, et on a écouté aussi Jack F avec Bienvenue au Club. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on continue avec un groupe qui s'appelle Scratchophone Orchestra. On l'a déjà écouté une fois dans l'émission Mavrika et le morceau s'appelle Electro Voodoo. Yeah. listen. Yeah. RN6 avec You Can Shake. Juste avant, c'était l'IA. À chaque fois que je le diffuse, il y a toujours des bonnes réactions. Le morceau s'appelait So Tired. Juste avant, c'était Tellur avec Broken Machine. Et maintenant, c'est les Summer Chains avec Astronaut. waits for me. They'll never soon be back. We are forlorn. tous les auditeurs de Mavrica, de Radio Arc-en-Ciel 96.2, c'est Florent Migo. Je souhaite une bonne fin d'émission à tout le monde. Ne vous inquiétez pas si vous avez raté l'émission. Il y aura le podcast d'ici lundi. Sur l'étranglement des rails, ton adieu. sera le blanc, le noir. Ce qui te reste de nous deux, avant de détourner tes yeux. Y a notre histoire qui trébuche sur les traverses des rails. Entre ici les dieux, t'étais mon italien. Y a notre histoire qui trébuche sur les traverses des rails. Arrive à la fin de cette émission, c'était l'édition numéro 532, si je me trompe pas. Donc ce soir, il n'y avait pas d'invité. Par contre, beaucoup de gens se sont invités. Justement, dans on a écouté beaucoup d'invités des précédentes émissions dans cette édition. Donc les derniers titres qu'on a écoutés, c'était les Summer Chains avec Astronaut, Phil et Tom Trio avec Full Moon, le groupe Red Daff avec Parano, les Twister Cover avec Rescue, Manu Lorca avec Notre Histoire des rails, et à l'instant c'était Elephant from Neptune avec Boogie Land. Voilà, On arrive à la fin de cette émission, donc la semaine prochaine on se retrouve au même endroit, même heure. On va dire les phrases magiques comme on a l'habitude de le dire à chaque fois. Donc everything is gonna be alright. Que le rock and roll soit avec vous. Et une vie sans musique serait une erreur. Donc voilà, cette émission est terminée. Il nous reste encore un petit morceau à écouter. Hein. J'ai préparé un morceau de No Blush qui s'appelle I Don't Care. Voilà, j'ai regardé le titre, je ne m'en souvenais plus tout à fait. Et on se quitte donc pour ce soir, pour cette émission, parce qu'il est bientôt 22h. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, et puis rendez-vous vendredi prochain à partir de 19h dans l'émission Mavrika, et ça sera l'édition numéro 533. Fernando, o Vizela faz a primeira falta à meia hora de jogo, vê logo cartolina amarela Claudemir nessa falta.